ce mystère est bien trop grand pour qu'un seul geste nous déprenne de l'amour sans limite. C'est la même qui me rend jaloux de la plus petite étincelle sonnée. Je ne la reviens plus du tout. Non, n'aie plus froid, je suis là avec toi. Mais loin que toutes ces trahisons passagères, des cœurs dénitaires. Ce qui passe, ce qui se dépasse et agace. Il y a nous, corps, âme et esprit. C'est la saison des amours fortes, accrochées aux ailes de sa force. À la frontière entre deux mondes, celui qui crée et s'effondre, et l'autre entre aperçu sur la rive de lumière. C'est la saison des amours forts. Je ne l'en veux plus du tout. Ceux-là qui m'ont rendu jaloux. Ce mystère est bien trop grand pour qu'un seul geste nous déprenne l'amour sans limite. C'est la saison des amours forts. Soit comblé entre nous l'espace, entre nos deux cœurs orphelins.